Ok, Macash, GTA, Escamicas au pic mal fait. On n'est jamais résigné, mon pote. Ne lui demande pas si ça roule. Y'a trop de bâtons dans nos roues, trop de bâtards sur notre route. J'attendrai pas ton cœur brisé en un déclic se répare. Demande à GTA ou à Flash, je ne m'éclipserai pas. Ne lui demande pas si ça roule. Y'a trop de bâtons dans nos roues, trop de bâtards sur notre route. J'attendrai pas ton cœur brisé en un déclic se répare. Demande à GTA ou à Flash, je ne m'éclipserai pas. À l'ancienne, on m'avait dit avec toi, les profite pas. Pas si je crache l'oseille, mais demain, on profite pas. Je dis ça, car quand j'ai tendu la main, on a voulu m'arracher tout le bras. Néanmoins, je les baisserai pas. Pas, profite pas, prends mes rimes comme des coups de gueule et mon cesse comme un coup de gueule. J'ai des rimes tellement recherchées qu'elles figurent pas sur Google. Gogol face à l'épreuve, je suis pas le genre de mec qui hoche la tête. Quand j'éprouve un souci, pour rêver de résoudre, je m'entête. Les jours se répètent, c'est trop la galère, donc je m'embête. Je perds trop de temps, même si c'est de l'argent, je sais que je m'endette. Mais en fait, à part ça, y'a plus rien que j'accepte ici. Dès que je ressens le moindre coup de cafard, je dégaine l'insecticide. Mais t'en fais pas, j'oublie vite que ma vie est abominable. Quand je me tape des barres jusqu'à avoir des douleurs abdominales. En attendant, j'ai une triste vie d'indominable. Supporte ça tous les jours, t'inquiète, la douleur est dominable. Je me rendrai jamais gros, j'ai l'instinct d'un fugitif et pélec. Et prends toujours conscience de ce que je dis. Si ça à mes trous, je suis au courant qu'elle me congédie. L'angoisse tout le temps, les neurones n'attendent pas jusqu'à jeudi. Y'a des barrières tout par et c'est glissant sous mes bras bêtes. Je devrais refermer la c'est, ouais, c'est pas bête. Le mauvais oeil essaye bien tant que mal de me rattraper. Au coin d'une ruelle, il m'a sorti un tarpé. Il a voulu que je me rende, il avait trop les glandes. Il m'a ramené toute sa bande, il m'a dit qu'elle est grande. Sous pic patate. J'ai eu peur pendant un quart d'an. T'as pas le mental, cousin, je lui ai dit tout en regardant. A gauche, à droite, j'ai compté jusqu'à 1, 2. A 3, A 4, une grosse patate sur l'un d'eux. J'en suis pris, j'en bats mon cou et puis je suis tiba. Le malheur m'a jamais rattrapé depuis cette histoire. Ne nous demande pas si ça roule. Y'a trop de bâtons dans nos roues, trop de patates sur notre route. J'attendrai pas ton cœur brisé en un déclic se répare. Demande à GTA ou à Flash, je ne m'éclipserai pas. Ne nous demande pas si ça roule. Y'a trop de bâtons dans nos roues, trop de patates sur notre route. J'attendrai pas ton cœur brisé en un déclic se répare. Demande à GTA ou à Flash, je ne m'éclipserai pas. Que je me rendrai pas quoi qu'il arrive, ma vie c'est cavalcade et sang. Je reste sur mes gardes en éveil autant cavalcade et sang. Déjà menotté à la vie, je me sens seul et puis j'ai trempé dans des affaires louches. Et ça sans marcher sous la pluie. Issu d'une vie à part, sa vie en part. Vous vieillez à part, on rit, on pleure, on vit, on part. Cette vie de merde, l'enviez pas, putain. Pourquoi se rendre, vu qu'on est déjà condamné. Je sens l'odeur de la défaite se propager au coin du nez, à bout de nerfs. Je suis pas prêt de me rendre, en demeurant dans la souffrance. Demeurer, j'ai l'air d'un mourant, tu sais. Faut pas se rendre, on vit dans un monde étrange. Évite de lancer pas n'importe qui, ça laisse des traces à sa vie. Faut pas se rendre, on vit dans un monde étrange. Évite, car quand tu te confies, le flic peut être en civil. Y'a trop de boucaves au mètre carré, ça tombe pas rond. Déséquilibré par la balance, un jour certains le paieront. Parce que nos rêves sont les fantasmes de cet ange qui s'incline pas, qui a promis d'assassiner notre foi. S'il réjouit à ses obsèques, ses confidents, nos faiblesses d'homme, l'oreille de la vie facile, je m'en rendrai pas. Ce qu'interdit les écrits coraniques à mon jugement. Je veux que la foi crie dans le rapport du légiste. Le jour J, je veux pas hériter de ses gosses illégitimes. Je me rendrai pas, quitte à prendre ma liberté en otage dans le système. Notre réussite est en ballotage défavorable, je me rendrai pas. Ouais, t'inquiète, mais s'isoler fait pas la force. J'ai pas la forme, les ignorants font des attentats à des apôtres. Mais pauvres de nous, riches qu'au barreau de l'ignorant, je me rendrai pas. Même si je me considère comme innocent, même si les bêtes restent nos seuls supporters sans ironie. Si les critiques mettent mon rap sous écoute téléphonique, car la France trop grillée serre la main avec celle de gauche. On rendra le drapeau blanc souillé du sang d'entre ses cuisses. Ne nous demande pas si ça roule, y'a trop de bâtons dans nos roues, trop de bâtards sur notre route. J'attendrai pas ton cœur brisé en un déclic se répare. Demande à GTA ou à Flash, je ne m'éclipserai pas. Ne nous demande pas si ça roule, y'a trop de bâtons dans nos roues, trop de bâtards sur notre route. J'attendrai pas ton cœur brisé en un déclic se répare. Demande à GTA ou à Flash, je ne m'éclipserai pas.